Chapitre 13. Premier chant de Gudrun. Gudrun était assise, penchée sur le corps de Sigurd. Elle ne pleurait pas comme font les autres femmes, mais la douleur faisait presque éclater sa poitrine. Des hommes et des femmes s'approchèrent pour la consoler, mais cela n'était point facile. On rapporte que Gudrun avait mangé du cœur de Fafnir et que depuis lors elle comprenait le langage des oiseaux. Voici ce qu'on raconte encore de Gudrun. Et il advint que Gudrun désirait mourir, tandis que, pleine de soucis, elle était assise, penchée sur Sigurd. Elle ne gémissait pas, elle ne frappait point ses mains l'une contre l'autre, elle ne pleurait pas comme font les femmes. Des chefs s'approchèrent avec compassion pour adoucir son désespoir sombre. Gudrun était si affligée qu'elle ne pouvait pas pleurer. De douleur, son cœur était près de se briser. De nobles femmes, compagnes des héros, parées de joyaux d'or, étaient assises près de Gudrun. Chacune d'elles racontait les épreuves les plus dures qu'elle avait subies. Gjaflaug, la sœur de Gjuki, parla d'abord. « Je me considère comme la plus affligée qui soit au monde. J'ai perdu 5 époux, 2 filles, 3 fils et 8 frères. Seule, je survis. » Mais à cause de sa douleur, Gudrun ne pouvait point pleurer, tant elle était affligée de la mort de son époux, désespérée du meurtre du roi. Alors parla Herborg, la reine de Jutunland. « J'ai à rappeler de bien plus grands malheurs. Mes 7 fils et mon époux, le 8e, sont tombés sous le fer ennemi dans les pays du sud. La tempête fit périr dans les flots mon père, ma mère et 4 frères. Les vagues brisèrent les bordages de leurs navires. Je fus obligé de leur rendre moi-même les honneurs funéraires et de préparer leur voyage vers le royaume de Hel. J'ai éprouvé toutes ces pertes dans l'espace d'une demi-année et personne ne m'apporta de consolation. Avant la fin de cette même demi-année, je fus faite prisonnière et enchaînée. Chaque matin, je devais préparer les ornements et attacher les chaussures de la femme du Jarl. Par jalousie, elle me menaçait sans cesse et me frappait durement. Jamais je ne vis maître aussi bon ni aussi méchante maîtresse. Mais à cause de sa douleur, Gudrun ne pouvait point pleurer, tant elle était affligée de la mort de son époux, désespérée du meurtre du roi. Alors parla Gulrund, fille de Gjuki. Quoique tu saches beaucoup de choses, ô tutrice, tu ne sais pas comment il faut adoucir la douleur d'une jeune épouse. Et elle fit découvrir le corps du héros. Elle enleva le linceul qui cachait Sigurd et posa sa tête sur les genoux de sa femme. Regarde ton bien-aimé et pose ta bouche sur ses lèvres et embrasse-le comme tu faisais quand il vivait encore. Un instant seulement, Gudrun leva les yeux. Elle vit la chevelure du chef raidie par le sang, les yeux brillants du roi sans regard et son cœur, le siège du courage, transpercé. La reine tomba en arrière sur les coussins du siège. Ses cheveux se dénouèrent, ses joues rougirent et un torrent de larmes inonda ses genoux. Alors elle pleura, Gudrun, la fille de Gjuki, et un flot de larmes ininterrompues coula de ses yeux, et les oies que possédait la reine crièrent dans la cour ces nobles oiseaux. Dans l'économie domestique du Nord, les oies étaient un objet important, et les filles des rois ne dédaignaient pas d'en prendre soin. L'oie de Noël, auquel en Angleterre on attache tant de prix, rappelle encore ce trait des mœurs primitives des Germains et des Scandinaves. Gulrund, la fille de Gjuki, dit « Je vois en toi l'amour le plus fort qui jamais exista sur la terre. Ô ma sœur, tu ne trouvais de joie nulle part si ce n'est aux côtés de Sigurd. » Gudrun, la fille de Gjuki, parla. Comme l'ail altier s'élève au-dessus des herbes, comme sur un baudrier brille une pierre précieuse enchâssée dans l'or, ainsi parmi les chefs, près des fils de Gjuki, brillait mon Sigurd. Et moi aussi je paraissais aux guerriers du roi supérieur aux 10 de Herian. Herian est le nom d'Odin en tant qu'il règne dans la Valhalla, et les 10 reçoivent les guerriers morts en combattant. Gudrun veut dire qu'elle paraissait supérieure même aux Valkyries. Et maintenant, depuis que le roi est mort, je suis moins qu'une branche morte que la tempête brise dans la forêt. Sur mon banc et dans mon lit, il me manque l'ami avec qui je m'entretenais. Les fils de Gyuki ont fait mon malheur, oui. Les fils de Gyuki ont causé à leur sœur d'amères souffrances. En étant infidèle à vos serments, vous avez fait du pays un désert. Mais Gunnar, tu ne jouiras pas de cet or. Ces anneaux d'or rouges te coûteront la vie parce que tu avais fait serment d'amitié à Sigurd. Il y avait souvent plus de joie à la cour que le jour où mon Sigurd scella Grani et où ils partirent afin de conquérir, pour notre malheur, Brunhild, cette femme perfide. Brunhild parla à la fille de Budli. Qu'elle soit privée de ses enfants et de son mari Gudrun, celle qui t'a fait verser des larmes et prononcer dès le matin ces tristes paroles. Gulrund, fille de Gyuki, parla. Cesse de parler au toi qui es haï de l'univers entier. Tu as toujours été pour les guerriers une cause d'infortune. Les vagues du malheur t'apportent toujours avec elles. Tu as amené la mort de sept rois et tu as anéanti la joie de bien des femmes. Alors Brunhild, fille de Budli, dit. C'est Atli, mon frère, le fils de Budli, qui est la cause de tous ces malheurs. Nous étions assis dans le palais des Yunen quand nous vîmes le prince et son or, cet or brillant de Fafnir. Depuis, j'ai payé cher sa visite et l'instant où je l'aperçus, et je le vois encore toujours. Elle se tenait près du pilier en bois d'aulne. Elle le saisit. Les yeux de Brunhild, fille de Budli, lancèrent des flammes, et du poison sortit de sa bouche quand elle vit les blessures de Sigurd. Gudrun se retira dans les forêts et dans les solitudes et arriva jusqu'en Danemark. Elle demeura là avec Thora, fille de Hakon, pendant 7 demi-années. Brunhild ne voulut plus vivre après la mort de Sigurd. Elle fit égorger 8 de ses serviteurs et 5 de ses suivantes, puis elle s'enfonça une épée dans le corps, comme cela est raconté dans le plus court des chants de Sigurd.